c'est pas ta vie qui se trouble. Même si t'es pas bourré, tu me verras toujours doux. Je te lève.